Bonjour à toutes, bonjour à tous. On n'y est encore pas, il reste 2-3 jours avant que ce soit ce moment magique, ce moment qui n'arrive qu'une fois par an, le soir de Noël et le jour de Noël. Alors, une émission spéciale comme chaque fois dans Coup de cœur, un numéro qui va être un genre de sapin de Noël. Les guirlandes, ce seront des chansons, les boules, les décorations, ce seront des citations, bien sûr, liées à Noël. J'espère que vous vous préparez tranquillement, ce sera du calme, ce sera de la sérénité, je l'espère. Et la première citation que je voulais vous délivrer, elle est de Kevin Bright. Alors, il disait « Ce qui compte à Noël, ce n'est pas décorer le sapin, c'est d'être tous réunis. » Et c'est Annie Cordy qui nous propose un Noël chez moi. Ensuite, on retrouvera Sacha Distel. Ma maison n'est jamais plus jolie que lorsque Noël nous réunit. Elle aime se faire belle pour les amis et le bonheur lui réussit. Dans la cheminée, un feu crépite, une flambée de joie qui nous invite à fêter le retour de l'hiver, loin des tracas, des faits divers. Passez Noël chez moi, il y aura du beau monde, tu verras. Viens, passez Noël chez moi, il y aura du beau monde, tu verras. Nat King Cole et Sinatra, Dean Martin, ma maison n'est jamais plus cosy que lorsqu'on y cause et qu'on y rit. Avant de s'embrasser à minuit ou sous le mou ou sous le gui, autour de la table, un air de fête, des bulles de champagne dans toutes les têtes, des trucs délicieux dans les assiettes. Oui, c'est comme ça Noël chez moi. Passez Noël chez moi, il y aura du beau monde, tu verras. Viens, passez Noël chez moi, il y aura du beau monde, tu verras. Nat King Cole et Sinatra, Dean Martin, etc. Des bulles de champagne dans toutes les têtes, autour de la table, un air de fête. Des bulles de champagne dans toutes les têtes. La la la la la la la la la. Du du du oui oui du du du. Autour de la table, un air de fête. Des bulles de champagne. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. On croit toujours un peu au Père Noël quand le cœur est trop lourd sans soleil. Toujours que l'amour reviendra, que tout s'arrangera grâce au ciel. On croit toujours qu'au-delà du chemin brillera bien enfin l'arc-en-ciel. Et malgré tout, pour trouver sommeil, on croit toujours au Père Noël. À chaque jour, je crois que c'est Noël. Lorsque je me réveille près de toi, on dit toujours que ne crois plus à rien, ceux qui n'ont pas besoin de soleil. Mais moi, je crois au Père Noël, puisque c'est toi Ambiance 100% Noël dans Coup de cœur aujourd'hui. Je suis très heureux de vous présenter cette émission et quelques dictons, quelques citations de Noël. On continue. Noël est là, ce joyeux Noël, des cadeaux plein les bras, qui réchauffe nos cœurs et apporte la joie, jour des plus beaux souvenirs, plus beaux jours de l'année. Washington Irving. Le meilleur de tous les cadeaux autour de n'importe quel sapin de Noël, la présence d'une famille heureuse, tous enveloppés l'un dans l'autre, Burton Ellis. On va retrouver Chantal Goya, Père Noël, et Enrico Macias pour nous interpréter le Père Noël du monde. Père Noël, Père Noël, j'ai hâte de Fadjet, le bonheur en chanson. Il viendra en hiver, pourquoi pas en été, le Père Noël du monde. Il viendra comme un dieu, peut-être comme un homme d'un nouveau monde. Il dira, je sais que vous avez pleuré, vos larmes ressemblent à la lumière. Il aura l'amour de tous les mal-aimés, de tous ceux qui souffrent sur la terre. Il viendra en hiver, pourquoi pas en été, le Père Noël du monde. Il viendra comme un dieu, peut-être comme un homme d'un nouveau monde. À genoux, les orgueilleux, les tout-puissants, à genoux, comme tous les enfants. Il viendra pour nous depuis la nuit des temps. Rendez-vous sous son grand drapeau blanc. Des cadeaux par milliers au Père Noël du monde. Il sera étonné, on ne l'a pas gâté dans l'ancien monde. Levez-vous, les amoureux, les braves gens, levez-vous, vous serez des géants. Il viendra pour vous depuis la nuit des temps. Rendez-vous sous son grand drapeau blanc. Il viendra un beau jour, et moi je veux y croire, au Père Noël du monde. Par défi, par amour, il refera l'histoire de notre monde. Les fidèles feront avec les incroyants une foule ardente et formidable. Il dira, venez, vous êtes mes enfants, prenez tout, l'amour me le rendra. Pourquoi pas en été, le Père Noël du monde. Il viendra comme un dieu, peut-être comme un homme d'un nouveau monde. Oren Arnold, suggestion de cadeau de Noël, écoutez bien. À votre ennemi, le pardon. Pour un adversaire, la tolérance. Pour un ami, ton cœur. Pour un client, un service. À tous, la charité. Pour chaque enfant, un bon exemple. Et pour vous, le respect. Guillaume Apollinaire disait également, c'est Noël, il est grand temps de rallumer les étoiles. Nous, nous avons réuni les plus grands pour chanter Noël. On va retrouver Claude François, c'est Noël et j'aurai tout ça. Et Renan Luce, le Père Noël et la petite fille. Minuit sous l'arbre décoré, chacun poser ses souliers. Moi j'aurai un vélo et des billets, un bâton et des quilles, c'est Noël, et j'aurai tout ça. Oui j'aurai un vélo et des billets, un bâton et des quilles, c'est Noël, et j'aurai tout ça. Enfants sages, partout dans leurs yeux innocents, c'est le même rêve impatient. Moi j'aurai un vélo et des billets, un bateau et des guillots, c'est Noël et j'aurai tout ça. Oui j'aurai un vélo et des billets, un bateau et des guillots, c'est Noël et j'aurai tout ça. Et qui dort dans la chambre à côté. Mon fils doit se dire tout bas, comme je l'ai fait autrefois. Demain matin, au pied du grand sapin, en tremblant j'ouvrirai les merveilleux paquets. Et si je n'ai simplement qu'un seul jouet, je serai triste à cause. Quand même si heureux, oui, minuit sur le monde enneigé, la messe au clocher a sonné. Oui, moi j'aurai un vélo et des billets, un bateau et des quilles, c'est Noël, j'aurai tout ça. Oui, j'aurai. Les plus belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Avec sa hotte sur le dos, avec sa hotte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait nom Papa Gâteau. Il a mis du pain sur ta planche, il a mis les mains sur tes hanches. Il t'a promené dans un landau, il t'a promené dans un landau, en route pour la vie de château, en route pour la vie de château. La belle vie dorée sur tranche, il te l'offrit sur un plateau. Il a mis du grain dans ta grange, il a mis les mains sur tes hanches. Toi qui n'avais rien sur le dos, toi qui n'avais rien sur le dos, il t'a couverte de manteau, il t'a couverte de manteau. Il t'a vêtu comme un dimanche, tu n'auras pas froid de sitôt. Il a mis l'hermine à ta manche, il a mis les mains sur tes hanches. Tous les camés, tous les émaux, tous les camés, tous les émaux, il les fit pendre à tes rameaux, il les fit pendre à tes rameaux. Il fit rouler en avalanche, perles et rubis dans tes sabots. Il a mis de l'or à ta branche, il a mis les mains sur tes hanches. Tire la belle, tire le rideau, tire la belle, tire le rideau, sur tes misères de tantôt, sur tes misères de tantôt. Et qu'au dehors il pleuve, il vente, le mauvais temps n'est plus ton lot. Le joli temps des coups de franche, on a mis les mains sur tes hanches. On continue avec une citation de Thomas Tusser. À Noël, amusons-nous, profitons-en, car Noël, ce n'est qu'une fois par an. Janice Mediter, à Noël, il est tout aussi important d'ouvrir notre cœur que d'ouvrir nos cadeaux. Des artistes de tous horizons, c'est ce que l'on vous propose pendant une heure. C'est Hugo Frey qui va chanter Noël et ensuite le groupe Queen, Thank God It's Christmas. Oh, devant la bise est cruelle, mais dedans le feu délicieux, à la lueur des chandelles. C'est beau, tout est blanc, c'est Noël. Pas question que ça s'arrête. Il neige et c'est la fête. Oui, celle qui nous vient du ciel. Oui, c'est elle, c'est la neige et Noël. Mais quand vient l'heure de se quitter, de glisser dans la nuit en traîneau, oui, si tu veux bien m'enlacer, entre tes bras je réchauffe. Le feu se consume doucement. Il est temps, oui, de s'embrasser. Car quand on s'aime tendrement, tout est beau, tout est blanc, c'est Noël. Que ça s'arrête, il neige et c'est la fête. Oui, c'est elle qui nous vient du ciel. Oui, c'est elle, c'est la neige Noël. Mais à l'heure de se dire bonsoir, si tu veux près de moi, viens t'asseoir. Entre mes bras, viens te cacher. Sous mon manteau, viens au chaud. Chante un refrain joyeux, il chante à nos cœurs fidèles. Et quand on s'aime simplement, tout est beau, tout est blanc, c'est Noël. Tout est beau, tout est blanc, c'est Noël. Tout est beau, tout est blanc, c'est Noël. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Thank God it's Christmas. Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day. Bonheur total en retrouvant la voix de Freddie Mercury, bien sûr. Noël agite une baguette magique sur ce monde, et voici, tout est plus doux et plus beau, Norman Vincent Peale. Edna Ferber, quant à elle, a dit « Noël n'est pas une saison, c'est un sentiment ». On va retrouver toutes ces bonnes intentions avec Charles Aznavour, « Un enfant de toi pour Noël », et notre Clara Luciani, la fille du Père Noël. Viendra le temps du froid et du gel, j'aimerais pouvoir trouver en cadeau dans un berceau blanc tel un angelo, un enfant de toi pour Noël. Oh, et merveilleux, tout petit et frêle, dormant innocent sous le sapin vert, pour être le cœur de notre univers, un enfant de toi pour Noël. Un enfant de toi, de nous, rêver ensemble, conçu ensemble. Quelle importance au fond. Sorti de tes flancs lourds et maternels, pour faire en nos cœurs jaillir la lumière, sang de notre sang, chair de notre chair, un enfant de toi pour Noël. Espoir envoyé du ciel pour donner un sens au fil de nos jours, au prix de nos joies, au nom de l'amour, un enfant. Nos coups de cœur. Coup de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Coup de cœur. Allez, on continue dans les jolies citations de Noël. La suivante est de Richelle Godrich. Noël est comme un bonbon. Il fond lentement dans la bouche, adoucissant toutes les papilles gustatives, vous faisant souhaiter que cela dure pour toujours. Également William Thomas Ellis qui a dit « C'est Noël dans le cœur qui met Noël dans l'air ». C'est Michel Thor qui va vous mettre Noël dans le cœur en interprétant « Mon beau sapin ». Puis on écoutera André Rieu dans Minuit chrétien. sapin, tes vers sommets et leur fidèle ombrage de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix, mon beau sapin, tes Allez, on continue tout en douceur dans ce numéro de coup de cœur spécial Noël, bien sûr. Alors, une autre citation, celle de Marjorie Holmes. À Noël, tous les chemins mènent à la maison. Washington Irving. Noël est la saison pour allumer le feu de l'hospitalité dans le hall, la flamme géniale de la charité dans le cœur. Une jolie voix. Ce qui suit est le premier Noël interprété par Vincent Niclot, puis le groupe Coldplay qui va nous parler des lumières de Noël, Christmas Lights. Christmas ciel chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès de Fadjet, de la musique, des voix, des passions. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. At all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission, ça va passer très vite comme d'habitude. Alors encore une citation, à Noël, jouez et réconfortez-vous, Noël ne vient qu'une fois par an, Thomas Tusser. Et là, c'est pas signé, mais ça me paraît bien sympa. Il y a quatre âges dans la vie de l'homme, celui où il croit au Père Noël, celui où il ne croit plus au Père Noël, celui où il est le Père Noël, et celui où il ressemble au Père Noël. Allez, on écoute Claude Barzotti, Les Noëls de mon enfance, puis Frédéric François, Les Oubliés de Noël. Je ne revois ma mère et moi marcher sur le chemin de terre, les yeux fixés sur cette croix, le corps engourdi par l'hiver. Ensemble on priait le Seigneur en regardant l'enfant Jésus. Ça nous mettait du baume au cœur, nous qui étions un peu perdus. C'est vrai, on était immigrés, mais on n'était pas malheureux. On faisait avec ce qu'on avait, on se contentait de si peu. Les Noëls de mon enfance ne brillaient pas comme aujourd'hui. Ils m'ont pourtant donné la chance de devenir ce que je suis. Les Noëls de mon enfance, c'est fou tout ce qu'ils m'ont appris. L'humilité, la confiance, le goût de l'amour, de la vie. Il n'y avait pas de cadeau, juste le plaisir d'être ensemble. Des fruits confits, un beau gâteau, et cette joie qui nous rassemble. Mon père sortait pour l'occasion une bouteille de vin d'Italie, puis il fredonnait des chansons que l'on chantait toute la nuit. C'est vrai, on était immigrés, mais ça ne nous empêchait pas de faire tout ce que l'on voulait. On était très heureux comme ça. Les Noëls de mon enfance ne brillaient pas comme aujourd'hui. Ils m'ont t'ont donné la chance de devenir ce que je suis. Les Noëls de mon enfance, c'est fou tout ce qu'ils m'ont appris. L'humilité, la confiance, le goût de l'amour, de la vie. Les Noëls de mon enfance ne brillaient pas comme aujourd'hui. Ils m'ont pourtant donné la chance de devenir ce que je suis. Les Noëls de mon enfance, c'est fou tout ce qu'ils m'ont appris. L'humilité, la confiance, le goût de l'amour, de la vie. C'est un Noël pour ceux qui n'ont rien, que la vie oublie en chemin. C'est un Noël plein de silence, loin de tous nos rêves d'enfance. C'est un Noël où l'avenir se conjugue en soupir. C'est un Noël où les mains tendues sont celles qu'on n'attendait plus. C'est un Noël pour ceux dont la chance est vraiment partie en vacances. C'est un Noël dont les lumières ne sont plus que des rêves. Alors à propos de jouets, je vais vous lire une citation vraiment avec de l'humour. La plus grande surprise du matin de Noël, c'est de lire « Pinot fourni » sur l'emballage. Ça, c'est vrai aussi. Roy Lemon Smith nous a écrit « Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre ». Et la dernière citation, c'est un texte de Claude Lelouch. Écoutez bien. Je me souviens d'un certain Noël. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Mon grand-père m'avait emmené découvrir les vitrines des grands magasins et expliquer le principe du Père Noël. J'avais alors élaboré une liste exhaustive. Un avion, un train, tant qu'à faire, si ce mec est aussi généreux. Et puis le soir de Noël, au pied de l'arbre, je n'avais qu'un seul cadeau. Et qui avait-il dans le paquet ? Une boîte de crayons de couleur. Devant ma consternation, ma mère m'avait ainsi réconforté. Tu sais, avec ces crayons de couleur, tu peux dessiner un train, un avion, tu peux tout avoir. Donc, signé Claude Lelouch. On écoute la dernière chanson de notre programme, Petit Papa Noël, cette année par Kenji Girac. C'est la belle nuit de Noël. La neige tend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Tu vas avoir si froid. c'est un peu à cause de moi. Il me tarde un temps que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches et des églises, ta distribution de surprises. Et bien voilà, j'espère vous avoir fait passer un excellent moment en notre compagnie. Deux choses dont je suis certain. La première, c'est que la valeur financière des cadeaux, c'est de la foutaise. L'important, c'est le geste. Et on est, même si on est seul le jour de Noël, l'important, c'est de ne pas être seul dans son cœur et dans sa tête. J'en suis persuadé. Allez, je vous souhaite un excellent Noël. Donc, vous pouvez retrouver cette émission en podcast, ces chansons, si vous voulez les réécouter le soir du réveillon, par exemple, pourquoi pas, www.fadjet.net. Allez, restez à l'écoute de nos programmes, plein de surprises encore. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un programme spécial Nouvel An. Bye bye.